À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de Corée, le ministère coréen des Forces armées populaires a offert un banquet le 23 avril. Y ont été invités les membres du corps des attachés militaires et les représentants diplomatiques de divers pays en Corée. Le général d'armée Park Yong-sik, ministre des Forces armées populaires et autres généraux et officiers de l'Armée populaire de Corée y ont participé.